Ya fè de jou pa ni nouvel An mande ki sa ki rive ou la Eske ou ni problem Pa sa kote ou ye Se pa la biti nou kon sa Ou toujou ba mwen an ki sin de vi Ki sa ki rive mwen Kouman se malire Mwen chèche ou kèy tout zon mi ya Le paro mande mwen Pa fè tjè mè mè sote pou wè yè Non mè palè, palè